Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Si la Terre est le seul astre habité, de la pluralité des mondes, mystification à propos des habitants de la Lune, une réponse d'Arago. Beaucoup d'astronomes croient que les planètes sont habitées, le père Sechil affirmait, indépendance d'opinion des hommes d'église. Copernic, une revue des planètes et caractéristiques de leurs habitants, Neptune, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. Maintenant que nous en avons fini avec notre exposé de la création, jetons un coup d'œil au-dessus de nos têtes, afin de ne rien omettre d'essentiel. Nous savons que la Terre n'est pas le seul astre issu de la nébuleuse primitive. Les autres planètes de notre système, qui gravitent comme elles autour du Soleil, reconnaissent la même origine et sont soumises aux mêmes lois. Le moment est donc venu de se demander si, elles aussi, ne seraient pas habitées. Cette question de la pluralité des mondes provoquera, je le crains bien, un sourire d'incrédulité chez les personnes dont les souvenirs remontent jusqu'à une trentaine d'années, époque où eut lieu la fameuse mystification dite des habitants de la Lune. Cette mystification consista en une prétendue lettre arrivée du Cap, dans laquelle il était raconté, avec force détail, qu'à l'aide d'un nouveau et puissant télescope d'Herschel on venait d'apercevoir dans la Lune toute une population ailée, offrant avec la nôtre, sauf les ailes, la plus grande analogie. Tout cela était dit si naturellement et eut tant de succès qu'Arago se crut obligé de démentir le fait en plein institut, à l'aide de ce seul argument. La Lune n'ayant pas d'atmosphère ne peut avoir d'habitants. D'accord. Mais, si la Lune n'a pas d'atmosphère, les planètes en ont une. La question peut donc être posée très sérieusement à leur sujet. Elle peut l'être d'autant mieux qu'un grand nombre d'astronomes inclinent pour l'affirmation. C'est au point que le plus illustre d'entre eux, le père Sechi, a été jusqu'à écrire que, dire de ces espaces immenses des astres qui les remplissent, que penser de ces étoiles qui sont, sans doute, comme notre soleil, des centres de lumière, de chaleur et d'activité, destiné comme lui à entretenir la vie d'une foule de créatures de toutes espèces. Pour nous, il nous semblerait absurde de regarder ces vastes régions comme des déserts inhabités, elles doivent être peuplées d'êtres intelligents et raisonnables, capables de connaître, d'honorer et d'aimer leur créateur. Et peut-être que ces habitants des astres sont plus fidèles que nous au devoir que leur impose la reconnaissance envers celui qui les a tirés du néant. Voilà, ce me semble, qui dépasse en hardiesse tout ce qu'on a pu imaginer en fait d'hypothèse. Et l'on viendra soutenir encore que, la libre pensée, est le monopole des matérialistes et des athées. Mais qui donc se montra jamais plus, libre penseur, que ce jésuite venant affirmer un fait de cette importance, alors que la Bible n'en dit pas un mot? Sans doute, elle n'était pas tenue d'en parler, puisqu'elle a surtout notre planète pour objectif. Mais cela n'empêche pas que le père Sechi ait fait preuve ici d'une singulière indépendance de caractère et d'allure. Ce n'est pas là, du reste, chose insolite parmi ceux qu'on appelle les gens d'église. Qu'était-ce, en effet, que Copernic, qui dévoila le premier le véritable système du monde, sinon un chanoine de Frohembourg? Nous pouvons donc très bien admettre que les étoiles sont habitées, À plus forte raison, les planètes. Mais pourquoi nous arrêter en si beau chemin? Transportons-nous par la pensée dans les espaces occupés par celle-ci, et, guidés par l'astronomie, essayons d'esquisser le genre de vie que l'on y mène. Neptune, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, sa distance étant d'1,150,000,000 de lieues. Elle met environ 165 ans à accomplir sa révolution autour de cet astre, tandis qu'à nous il ne faut qu'un an. Comme sa découverte ne date autant dire que d'hier, elle est due à Le Verrier. Nous avons peu de renseignements sur son régime intérieur. Note. C'est Neptune qui a porté si haut le nom de Le Verrier en ce que, par la seule puissance du calcul, son génie l'avait aperçu avant même le télescope. Fin de la note. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, si les habitants de Neptune comptent leurs années, comme nous comptons les nôtres, par l'évolution entière de leur planète autour du Soleil, cette évolution exigeant 165 ans, il existe entre leur chronologie et la nôtre un énorme écart. Ainsi un patriarche qui a pour nous 900 ans n'aura que 6 ans pour eux. Uranus. Cette planète n'est distante du Soleil que de 670,000,000 de lieues, ce qui est encore un chiffre fort respectable. La chaleur y est 100 fois moins forte que sur la Terre. En revanche, chacun de ses hémisphères voit le Soleil pendant 42 ans consécutifs. Les habitants doivent donc économiser en luminaire ce qu'ils dépensent en plus comme combustible. Saturne. Sa distance du Soleil est de 335,000,000 de lieues, juste moitié de celle d'Uranus. C'est l'astre le plus splendidement éclairé de notre système, car il possède à lui seul 8 lunes et 2 anneaux étincelants. Seulement la densité du sol y est moindre que celle de l'eau, la population doit donc se composer surtout de nymphes et de tritons. Jupiter. Cette planète n'est qu'à 178,000,000 de lieues du Soleil, c'est relativement peu de choses. Malheureusement le sol de Jupiter n'offre pas beaucoup plus de consistance que celui de Saturne. Il est par conséquent peu habitable pour les animaux terrestres. Mars. La planète Mars, la plus voisine de nous dans les espaces célestes, présente des analogies si intimes avec notre globe, sous le rapport des phénomènes atmosphériques, aussi bien que sous celui des glaces polaires, que sa population doit peu différer de la nôtre. Seulement elle doit trouver singulièrement monotone l'aspect de ses continents, ceux-ci offrant constamment une même teinte rouge. Vénus, c'est, ainsi que l'indique son nom, la plus belle des planètes, son climat est également le plus beau. L'ingénieux auteur des harmonies de la nature, Bernardin de Saint-Pierre, parle de cet astre privilégié comme s'il y eût vécu quelque temps. Ses habitants, dit-il, d'une taille semblable à la nôtre, puisqu'ils habitent une planète du même diamètre, mais sous une zone céleste plus fortunée, donnent tout le temps aux amours. Les uns, faisant paître des troupeaux sur les croupes des montagnes, mènent la vie des bergers, les autres, sur les rivages de leurs îles fécondes, se livrent à la danse, aux festins, s'égaient par des chansons ou se disputent des prix à la nage, comme les heureux insulaires de Tahiti. Mercure, cette planète est la plus rapprochée du Soleil, 12,000,000 de lieues seulement, c'est, en astronomie, demeurée presque sur le même palier. Aussi est-elle tout inondée des rayons de cet astre. Fontenelle a fait de ses habitants le tableau peu flatté que voici. Ces gens-là, dit-il, doivent être fous à force de vivacité. Je crois qu'ils n'ont point de mémoire, non plus que la plupart des nègres, qu'ils ne font jamais de réflexion sur rien, qu'ils n'agissent qu'à l'aventure et par mouvement subi, et qu'enfin c'est dans Mercure que sont les petites maisons de l'univers. Mais en voilà assez sur ces hypothèses et ces jeux d'esprit, c'est que, s'il est absurde, l'expression me paraît un peu vive, ainsi que le prétend le père Secchi, de nier que les étoiles soient habitées, il serait mille fois plus absurde encore de prétendre connaître et décrire leurs habitants. Descendons par conséquent de notre nuage et revenons aux choses positives et palpables de ce monde. Aussi bien je craindrais qu'un trop long séjour dans les espaces célestes ne nous portât au cerveau, comme aux habitants de Mercure, et ne donna à penser que ce n'est pas seulement dans leur planète que doivent se rencontrer les petites maisons. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.